Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bon, les lots, les sous-sous, on a abandonné qu'on rappelait qu'à Kabino, peut-être, ben, moi, écrit à... Félicitations, quand même, j'ai fait une carrière. Hein. J'ai fait une carrière. Donc, le 15 décembre, Oyo, anniversaire Nanga Yakobotama, na Bamboula na Sali, na Moussala qui artiste. J'ai commencé à jouer depuis 1969, na totalisé jour pour jour 50 ans de carrière. Ça s'est fait, mais fait yo na ko proposé bino ndenga na lobaki e kozala kaka. D'ici là, na ko banda ko tiela bino une série. Il y a télé dramatique qu'on se détendre moi mouké mais et vous allez soi na série sujet nga politique na série sinde na chéri bino wana nde masanga oyonga na sombi po bo fêter na ngai 50 ans de carrière donc na zo bandango e ko kende ti to koma le 15 décembre yango na botamaki to leki na yango ba mama na bandaki ki artiste na ngai to leki na ko bandako pesa po na zangi lo ko pesa bino donc ça sera un heureux anniversaire. Nga moko kutu na zaiko kanisa ke, na koka ki ko zwa, ba borba na bino ya makasi ya ebele nenga na senga ki ke, bo sabone makasi, bo sabone makasi, j'imagine ke, loko la na koko kisa na le 15 décembre, 50 ans de carrière, soki na zala kana 50 000 abonnés, na nga na sala feti boko amnene. Bon, kasera de tienne, l'homme propose, Dieu dispose. Ce que Dieu fait, il le fait bien et à son temps tel qu'il l'entend. Donc, mais, bon s'abonner pour que c'est n'a comme attendre à 30 facilement. Bon anniversaire pour moi-même. Alors, toi là d'abord, image insolite, où je te propose, Bino Lelo, bon, je te continue. Na kukwa tobe mwene chikashi sebo mpotele mana anku kufilonji yu kituwe kalamu nji yu denunu nkulanga ayaba ndenji laba ndenji lina funa funa funa ya ya ya ya ya lele kuna kuima sende bubi hee wamono wa shangane tumash atabana chikashi bande kuna lingina sinyali binu tau na lubaka makamwa spiritualite bakoko na bisu bazaiki kuetudia ngu makasi soki sanza ibimi bako yebi sayo awa sanze bimi likabutele koko za la buena boye ils explique kaka bakoko wana nde ba yebaka ngai tango balakisa ka biso comment ko contrôler sans montre ngana yebi ndenge basala kango na bakoko na biso la spiritualité est le domaine du monde métaphysique yango na lingine expliquer makambo oyo et yelaka Fati comme président de la République, toutes les fois il y a zé ko sala makambo minene, mvou les arrêts qui konoka. Ce n'est pas l'effet du hasard. Ti jour ba o proclamé président de la République, mvou les noki. Mikolo yo yoza na se mvou les arrêts konoka la kishasa tout le temps, ça marque quelque chose on a ligé na signaler bino. Un, Azalaki numéro 20. Si on a l'ingina luka 20 wana, numéro 20, disons, na luka ngona ni. Moi na moko akokishi 55 ans. On l'appelle Fachi, président de la République. Moi na moko wana, aza 5e de la famille. Il s'appelle Fachi, président de la République. Mwana moko wana aza 5e président de la République. Il s'appelle Fati. Tu sais que dit Chilombo avec le 3 ici, tozo mona ke ba 5 ezali 4. 5 soki za 4 sali 20. Abimaka numéro 20 na liste. Sikoyo tango tozo zwa prophétie ya mfumu kimbangu. Alors, qui 5e président, Alors, baka va venir baka ça au quatrième tir. Alors, qui cinquième? Et monsieur, monsieur, je connais notre intégralité ya prophétie wana commentée par les blancs que vous aimez d'ailleurs beaucoup. Et donc, Balinga qui va déjouer Naïe Nakatia 5 ans. C'est pourquoi Monaki Kiangan a déplacé Simon Denkamba à l'OIA. Aye Kotala, Oyo Fumo Kimbango à l'Obaka, Yeyo Akokisan. Vous voulez vérifier? Jamais à déplacer pour Na Laurent. Il n'a pas déplacé pour Kabila. Tu as signé sur 18 ans de mandat. Et donc, il a déplacé parce qu'il a dit que t'es Moma Balobaki, Yangoy. Maintenant, regardez. En 2020, candidat numéro 20 qui s'appelle Tshisekedi Tshilombo wa Etienne Tshisekedi wa Mulumba a kobanda sikoyo effectivité à pouvoir naï. Na 2020 oyo, na chiffre 20 ya président Fachi a kobanda ango très bien pourquoi. Un, na pouvoir politique oyo Fumukimbango alobaka a outi kokokisango. Un, basala ki complot a échoué. Basangani France, Belgique, Rwanda, Uganda, Burundi, plus la Mouka, plus FCC, mais a gagné kaka élection. Pouvoir politique, yo, Fumukima wa Pesaki. Babandi, ba problème, toko tane na, na cour constitutionnelle, parce que tu es cour constitutionnelle, et ça, tu kabila mouta plasaki, ba kolongo la ye, buena boye, a gagné le sousou. Pouvoir politique au Yofumo Kimbango Pesaki. Après, pour que Fumo Kimbango, professeur Pesaki, bo sentir puissance na yango, tango ake, bayambiye na roi belge, na premier ministre, Angumbami, pouvoir politique. La Belgique est une puissance. Il y a autant en ce qui concerne le commando. C'est là où se joue la grande politique de ce monde parce que ils se sont inclinés devant Fachi. Tango akei bayambi na Macron, une grande puissance. Bayambi na Trump, une grande puissance. Bayambi na Poutine, une grande puissance. Bayambi na Angela Merkel, une grande puissance. Bayambi na Japon, une grande puissance. Oyo Mfumu Kimbango apesaka ya puissance politique. Tango bokomone wandi ko zonga, yeba ke makambu, melingi ko baluka. Na puissance scientifique. Il a mis en valeur Batu ya OVD que bo sala ba saute de mouton bo sala banzela mususu. Na pouvoir le kaki bazwa ki bango batu pamba. Ye azongi si bango na technique na scientifique ya bango yonyo so ba akumila le lo ba sali. Bo kende ko tala la pompage et lo ko anese et telemi qu'on appelle le mastodonte scientifique. Botara la 24 ndenge sa hotel ma mastodonte. Botara la boulevard Lumumba. Et cette étape scientifique, il avait croisé une jeune dame, Madame Ngalula, qui est une savante qui est aux États-Unis, qui a accepté d'amener cette notion scientifique à Wa. Pourquoi? Parce que le Katanga regorge les minéraux recherchés pour le siècle qui arrive. Le nickel, le cobalt, le lithium, biloko ba komanda ko utiliser na mutuka ya lobby. Sur le plan scientifique, c'est lui qui est allé voir. Bazo proposer que ba komanda ko ya ko monter mutuka awa, même makambo ya treba ya ko sala awa. eza pouvoir scientifique eza kozonga parce que ba étudiant ista ba koyeba eloko wana géologie ezalaka kuna na Lubumbashi ba koyeba métallurgie ba ko ça dit le pouvoir scientifique est à la porte. Maintenant, à niveau où il y a matata yango, il y a le pouvoir spirituel. Regardez la vie du cardinal Ambongo. A kendekina bitumba, bitumba, bitumba, comme la prophétie a été donnée par Mfumukimbangu, Ambongo a fini par Kozonga et Paya, président de la République. Si bien Maboko a déclaré l'Église catholique, c'est une église mère. Il y a des chrétiens tout. Après, Simon Kiangana, a yé les soussous, ba kangane na maboko. Transmission les soussous à pouvoir spirituel. Bandeko. Bota la ba koumou ba outaka équateur, ba yaka koupé ça, fati pouvoir spirituel. Et Zabaka est belé. Donc, en 2020, Awa, Makamoumé Balouka, vous allez vivre des événements. Banguna, on y a ce qui est que vous avez dit que vous avez créé un ravin, vous avez dit que vous avez tango la bango et sili. Parce que le grand maître Mwandansé m'a tellement qui. A kene ki kuna, mwaye basa la pe kope simba kite ba kimi ba zongi e pa iboye. Bandeko, bobo nga mapona 2020, eza etumba, pona kolonga munguna libela. Zambe abakoko apambola bitu.